Réponse à ceux qui comparent les dirigeants actuels avec ceux de l'époque de l'imam Ahmed, de Sheikh Abu Maryam al-Mukhlef. Question. Comment doit-on répondre à ceux qui disent que l'imam Ahmed n'a pas kafar, rendu mécréant, les dirigeants à son époque, malgré leur croyance sur la création du Coran, qui est pourtant la parole d'Allah incréée? Savoir que la parole d'Allah est incréée fait partie de la base de l'islam. Alors pourquoi ils ont été excusés par la mauvaise compréhension, malgré que l'imam Ahmed a débattu avec eux et qu'il a même été fouetté par eux? Mais malgré cela, il a prié sur eux et faisait dua pour qu'Allah les guide et il n'a jamais appelé à faire leur tekfir ni à sortir contre eux. Ces gens se servent de cela pour dire que les dirigeants actuels ne sont pas mécréants, mais qu'ils sont ignorants ou qu'ils peuvent être excusés par la mauvaise compréhension. La réponse du Shir. Tous les musulmans ont pour croyance que celui qui annule son islam n'est pas musulman. Celui qui adore un autre qu'Allah n'est pas musulman. Ou celui qui s'érige comme un égal en dehors d'Allah n'est pas musulman. Mais les savants ont divergé dans certains cas précis. Est-ce que ça annule l'islam avant l'établissement de la preuve ou après? Parmi certains de ces cas, il y a la parole sur la création du Coran. Et dans cet exemple, les savants ont divergé quant à savoir si ça annule l'islam après l'établissement de la preuve ou non. Par contre, dans ce cas, c'est-à-dire le cas des dirigeants actuels, les musulmans ne divergent pas que ça annule l'islam, même avant l'établissement de la preuve, car la personne s'est érigée elle-même comme associée avec Allah dans la seigneurie, comme le fait d'autoriser et d'interdire. Et les musulmans ne divergent pas pour dire que c'est l'une des grandes annulations de l'islam. Et les gens de science ne divergent pas quant au fait que la négation de certains noms et attributs divins annule l'islam, comme celui qui dit qu'Allah Ta'ala est impuissant ou qu'il ne sait pas. Mais ils ont divergé quant à la négation d'autres noms et attributs, comme la parole sur la création du Coran par exemple. Fin de citation.